Alors bonjour à toutes et tous. Donc nous sommes des étudiantes et un étudiant du Master 2 Métier de l'Art et on va vous présenter une exposition qui va se passer du 14 mars, donc le jour du fermissage, jusqu'au 12 avril au SIAM à la fabrique à l'entrée à gauche. Donc ça va être une exposition sur le thème des contestations protéiformes. Donc je pense qu'ici il y a beaucoup de gens qui vont s'y retrouver. C'est une exposition d'art contemporain principalement, mais il va y avoir beaucoup de performances et d'événements. Tous les mardis soirs à partir de 18h30, donc 4 mardis pendant le mi-mars jusqu'à mi-avril, il va y avoir une soirée sur le féminisme, une soirée sur l'activisme et le militantisme, une soirée sur le statut des femmes artistes et une soirée sur les politiques migratoires. Donc pour plus d'infos, on n'a pas de page Facebook, mais par contre tout est relayé via la page Facebook du SIAM. Donc on vous invite à aller voir, il y a un événement sur Facebook. Et enfin, on vous laisse des flyers qu'on a ici. Voilà, et donc le nom de l'expo que j'ai oublié qui est le plus important, ça s'appelle « Sans contestation possible ». Voilà, c'est tout. Merci. Les flyers sont là, ils sont rouges. Donc, nous avons ensuite une annonce culturelle. Bonjour à tous. En fait, l'actualité s'invite à l'Université du Mirail. Je vais juste vous inviter jeudi 8 mars à 18h à l'Arche, parce que c'est en soutien à la lutte contre le centre industriel de stockage géologique à Bure, contre l'enfouissement des déchets radioactifs. Donc le collectif toulousain Bure Partout, Nucléaire Nulle Part et des étudiants de la fac de l'Arche invite Marie Bétuneau, qui a habité pendant 2 ans à la maison de la résistance à Bure. Il faut savoir qu'à Bure, il y a depuis 20 ans un projet d'enfouissement des déchets radioactifs. Ça fait 20 ans que des collectifs se battent, qui ont été renforcés il y a une dizaine d'années par des jeunes qui ont occupé une maison qui s'appelle la maison de la résistance. Et je ne sais pas si vous avez vu ce week-end, à Bure, il y avait une manifestation, il y avait 300 manifestants face à 1000 militaires. Donc là, c'est un projet qui nous concerne tous et toutes, non seulement pour les prochaines générations, mais pour les prochaines civilisations, parce que le projet d'enfouir les déchets radioactifs a vie très très longue, ça dépasse 100 000 ans. Donc je vous invite tous à aller découvrir cette conférence gesticulée. C'est comment se poser quand on n'est pas un expert, parce qu'on nous renvoie toujours sur des questions face à des experts, mais je pense qu'il y a d'autres façons de s'informer. Et c'est une façon de, on va dire, on peut être militant et ne pas être chiant. Donc les conférences gesticulées permettent justement ce discours. Donc je rappelle que c'est jeudi 8 mars à 18h à l'Arche. Parlez-en tous de vous et venez nombreuses et nombreux à ces conférences gesticulées. Alors, nous rappelons juste que le coin là-bas, c'est pour les gens qui ne veulent pas être pris en photo ni filmés, ainsi que les interprètes, on ne les filme pas non plus, merci. Ça c'était juste un petit point, parce que nous on organise une semaine des luttes féministes sur le Mirail, voilà. Vous avez des tracts et des programmes juste ici, on va essayer d'en donner. C'est un peu le bazar, parce qu'on a organisé ça pendant une mobilisation, donc vous voyez bien, c'est le... voilà. Et donc il y a plein de conférences, des collections, il y a des conférences tous les midis, sauf aujourd'hui, parce qu'on ne voulait pas que ce soit en contradictoire avec l'AG. Mais du coup, après l'Assemblée Générale, ici, il y a une conférence sur le thème de la santé sexuelle avec ACT UP, qui viendra présenter leurs revendications, leurs combats, etc. Et ainsi que la Société de Santé Sociale, en fait, les femmes de Paul de Viguier qui se sont mobilisées en gynécologie. Voilà. Excusez-moi, il y a un atelier débat sur le consentement qui est mixte, donc les hommes, vous êtes cordialement invités à venir. Voilà. Le second point que je voulais juste vous parler très rapidement, c'est. On a une camarade, je suis partie de l'UT, on a une camarade pendant les vacances qui a été emmenée en centre de rétention administratif et qui a été menacée d'expulsion. On va dire que la politique du gouvernement se durcit très fortement, ça empire. Nous, on a régulièrement des étudiants qui viennent nous voir qui sont en souci pour leurs papiers, leur titre de séjour, etc. Cette camarade, on a réussi à faire en sorte qu'elle ne soit pas expulsée, à ce qu'elle soit sortie du CRA. Par contre, on vous invite vraiment tous et toutes à venir le 17 mars, manifester. Voilà, c'est une grande journée contre le racisme, et contre l'extrémisme, etc. Voilà, c'est tout. Oui, parce que la semaine féministe, c'est dans le cadre du 8 mars. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes, et à midi, il y a une manifestation. manifestation. Donc, jeudi midi, pas aujourd'hui, jeudi midi, il y a une manifestation. Donc, on partira peut-être à Arnaud-Bernard. Donc, on partira peut-être tous de la fac. Voilà. Donc, nous allons ouvrir la liste pour les inscrits. Donc, si vous pouvez venir à la tribune, ce sera plus pratique pour avoir vos noms. Nous tenons à vous rappeler que demain, à 16h, il y a un COMOB, donc c'est le comité de mobilisation, avec différentes commissions pour mieux s'organiser dans la lutte. Donc, concernant les petits partis, s'il vous plaît. Donc, concernant le petit papier, il a été écrit en AGD personnel que les personnes doivent expliquer leur proposition de vote ici. Donc, ce sera mis au vote pour la prochaine Assemblée Générale. On attend toutes les interventions, je vais lire quelques papiers. S'il vous plaît. J'ai une proposition, donc ouverture partielle des services du bâtiment central pour permettre les missions des mises en paiement des pays. Bonjour, je pense que bloquer la fac cette semaine, si c'est prévu, serait une mauvaise idée. Au retour des vacances, les gens sont plus ouverts au dialogue. Bloquer la fac braquerait les indécis. Je pense qu'il est temps de communiquer, expliquer sur les réseaux sociaux nos actions, nos revendications, de manière plus concrète. Les doctorants souhaitent soumettre au vote le déblocage de la MDR, comme cela a été soulevé en AG des personnels. Donc, pour la prochaine intervention, les occupants de la fac et Evelyne se préparent. On me dit de réclamer le silence. Merci beaucoup. C'est gentil. Alors là, nous sommes les occupants et occupantes de la faculté. Alors, hier, on s'est réunis et donc du coup, on a écrit collectivement ce texte que je vais commencer par lire. Les occupants et occupantes de la fac du Mirail, Gué-Savoir et Arche, ont reçu hier, à 15h, une notification d'expulsion décidée après une procédure au tribunal administratif initiée par la présidence. Cette notification d'expulsion permet à la police de venir déloger les occupants et occupantes du Quai Savoir et de l'Arche à 15h dès aujourd'hui, mardi 6 mars. Ils ne nous écoutent pas depuis des mois et maintenant ils veulent nous faire taire. La stratégie du dialogue ne fonctionne plus. Face à leur mépris et leur répression, il nous faut donc passer à l'offensive et reprendre le rapport de force. Ceci n'est pas une proposition de vote, mais un appel à la révolte. Bloquons de manière totale et permanente la fac et réapproprions-nous notre université en créant ateliers et cours alternatifs, accueillons les initiatives personnelles et collectives, saisissons-nous de l'espace libéré pour construire une pression qui les obligera à céder à nos revendications. Le blocage permet l'amplification du rapport de force et nous soutenons par là toute initiative qui vise à dynamiser cette lutte. Nous voulons construire des solidarités au-delà de notre propre fac et nous résisterons à toute intervention violente, qu'elle soit policière ou autre. Nous vous invitons, le personnel étudiante, précaire, enseignante et chercheuse, à venir déambuler avec nous dès la fin de l'AG ainsi qu'organiser le blocage à la suite de ces festivités. Comme à chaque fois. Et la seconde, en fait, c'est par rapport à des étudiants en situation. situation de handicap qui sont venus nous voir. Donc je suis à Psychépique et à l'UET, et donc là c'est par rapport à Psychépique, donc ils sont en psycho. Et en fait, donc nous on a mis en œuvre des trucs par rapport aux étudiants qui ne sont pas en situation de handicap, mais du coup pour les étudiants en situation de handicap, on est un petit peu perdu au niveau de la grève, de comment faire pour les aider par rapport à ça. Et je pense que c'est pas uniquement en psycho que les étudiants en situation de handicap ont besoin d'aide. Donc je ne sais pas si dans les autres luttes, dans les autres grèves, s'il y a déjà eu des choses qui ont été mises en place par le passé par rapport à ça. Parce que là, par exemple, hier, j'en discutais et on disait que, par exemple, l'accès aux photocopieurs ou alors les traductions des cours en braille, normalement, c'est la DIF qui est censée aider par rapport à ça, mais comme la DIF est en grève et que bon, le but, c'est pas de dire « Mon Dieu, les grévistes empêchent les étudiants de... » Non, enfin, voilà, donc si jamais il y a des... Je sais pas s'il y a déjà eu des choses qui ont été faites par rapport à ça. Donc je propose, à la limite, s'il n'y a rien eu, que le COMOB se charge de penser une réflexion et de mettre en... Je sais pas, un groupe, une liste mail pour faire remonter les problématiques liées à cette situation. C'est à William et Cléo se prépare. Bonjour. Alors, je vais vous parler de considérations éthiques par rapport au mouvement en cours. Certains ont d'autres sûrement, mais en tant qu'étudiant de cette université, j'ai pleinement le droit de m'exprimer ici. Je précise que mon intervention aujourd'hui ne concerne que le débat sur la fusion et que je n'ai pas encore pris position sur cette question. Mais je partage votre opinion sur le passage en force de la Croix. Mais ce que je vois en AG me pose aussi problème en termes de légitimité, de démocratie et de dérive autoritaire. Il me semble aussi indispensable de réaffirmer que les AG sont ouvertes à tous, quelle que soit leur opinion sur la fusion. Ai-je besoin de vous citer la célèbre phrase « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire ». Je pense utile de rappeler que la critique est constructive et que le refus de celle-ci est la caractéristique des personnes étroites d'esprit, ainsi que des régimes autoritaires. Je ne suis pas ici pour vous faire la morale, mais seulement pour vous partager mes inquiétudes. Si nous n'arrivons pas à résoudre sereinement ce conflit, pourtant assez simple, alors je serai très inquiet pour l'avenir de notre pays et du monde. Cet AG n'est pas une assemblée de personnes élues. Il y a dans cet amphi moins de 1000 personnes pour traiter du sort et du droit de travail de 32 000 étudiants et personnels. N'oublions pas que seulement 5500 personnes se sont exprimées lors de la consultation en décembre. L'actuel mouvement contre la fusion représente donc une minorité de personnes engagées, contre vraisemblablement une autre minorité. Et si la majorité silencieuse ne comprend pas forcément ce qu'il se passe dans ces dialogues de sourds, où chacun est persuadé de détenir la vérité et entend l'imposer à tous. Et même s'il est vrai que les minorités en lutte ont permis la conservation et l'acquisition de nouveaux droits, je pense qu'il faut toujours garder à l'esprit cette absence de légitimité, surtout quand il s'agit de faire subir une certaine forme de violence à toute la communauté universitaire dont on est censé défendre les droits. Ce n'est pas parce que l'UT a tant plus de défense de nobles valeurs qu'elle peut se permettre d'utiliser des méthodes contestables au nom de ces mêmes valeurs. Je considère que ne pas se remettre en question concernant ces méthodes équivaudrait à la trahison de la Croix. Il est nécessaire de régler de nombreux problèmes liés aux conditions de débat et de décision dans les AG. Mais avant, j'aimerais vous parler du fond et de la forme de la lutte contre la fusion. On ne peut pas accuser implicitement les enseignants-chercheurs ou quiconque défendant le projet de fusion d'être des salauds individualistes et sans conscience politique. Ni de la même manière accuser les personnes contre le projet de fusion d'être des gauchistes qui n'ont rien compris et qui rejetteraient toute proposition ouverte. Je m'oppose par principe à toute forme de blocage des lieux de formation, de connaissances et de recherche. Le blocage est une forme de violence, tout comme le sont les lieux et les injonctions en AG. C'est une méthode contre-productive et un pur non-sens. D'autant plus que quand il s'agit de blocage partiel de l'université, je pense bien sûr au blocage de la maison de la recherche depuis un mois, c'est une méthode illégitime, discriminante et totalement incohérente. Et pourquoi pas brûler sur la place publique tous les chercheurs et faire des autodafés de leurs publications? C'est bien connu que les sciences humaines sont au service du grand capital, n'est-ce pas? Et ces petits cons d'étudiants de ma sorte d'archéologie qui viennent nous faire chier en AG, balançons-les aussi dans le bûcher, ce sera un problème au moins. Le seul temps de la maison de la recherche serait qu'elle abriterait de nombreuses personnes qui soutiennent la fusion. Et alors, que faites-vous de la liberté d'opinion? Qu'est-ce que c'est que cette ridicule exigence, cette injonction selon laquelle ils devraient changer de position? J'invite les gens qui pensent de la sorte à vivre dans un régime fasciste ou samien. Dans les AG, nous vous invitons à nous dans un avis fasciste et samien, et à évoquer le malheur et les dérives possibles. Je vous invite d'ailleurs à voir ou à revoir le film Nadal. La création de vous. Ok, Il est encore temps de reprendre raison, mais de prendre le temps de faire un mouvement irréprochable qui représenterait un modèle pour le social à venir. Maintenant, j'espère que l'on accordera du temps supplémentaire pour préciser les points sur lesquels il faudrait s'améliorer concernant les questions fondamentales des conditions de débat et de décision dans les âgés. Si je peux pas parler, je vais vous donner le faire. Mais what the qui a bougé plus fort. On va revenir au gain. Donc c'est à Cléo, mais Cléo se prépare. Ah oui, c'est vraiment bon le cas, hein. Bah, il faudra son nouveau, on peut dire que ça... Ouais, ça va être difficile de passer après ça. C'est le moment plus... Moi, c'était sur un autre sujet. En fait, oui, du coup, moi, c'est Cléo, je suis militante au NDA Jeunes, et je voulais vous parler du 8 mars, pour rebondir un peu sur ce qu'Aurélien disait, en fait. Donc voilà, le 8 mars, comme vous le savez sûrement déjà, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et voilà, il y a un appel à la grève internationale et il y a une manif le midi à Armeverla. Donc voilà, pourquoi je vous parle du 8 mars, qu'est-ce que c'est le rapport avec la fusion, avec la sélection? Donc en fait, à Paul Sabatier, plus de 61% des BIATS sont des femmes et au Mirail, c'est plus de 67% des BIATS qui sont des femmes. En ce qui concerne les non-titulaires, les personnes à temps partiel et à temps incomplet, c'est 70% de ces personnes non-titulaires qui sont des femmes. Donc voilà, on voit que déjà à l'heure actuelle, parmi les personnels, les femmes font partie des plus précaires. Comme vous le savez sûrement déjà aussi, les premiers postes qui seront supprimés en cas de fusion, en fait, ça va être les postes des BIATS. Et pour celles qui ne perdraient pas leur poste, pour celles et ceux qui ne perdraient pas leur poste, les conditions de travail se retrouveraient grandement dégradées avec un nombre d'étudiants plus grand à gérer, par exemple, en étant moins nombreux et nombreuses. Donc voilà, on voit que les femmes qui sont majoritaires parmi les personnels de la fac seraient un peu les premières victimes de la fusion. Et c'est la même chose du côté des étudiantes. Parce qu'en fait, dans les filières qui sont jugées non rentables, toutes les filières de sciences sociales, d'art, etc., les femmes sont largement majoritaires. Au Mirail, il y a 68% des étudiants qui sont en fait des étudiantes. Et donc de ce fait, les femmes seront aussi les premières victimes de la fusion au niveau des étudiantes, les premières victimes de l'augmentation des frais d'inscription, de la sélection accrue, etc. Du coup, moi, je pense qu'à l'inverse de la logique... de la fusion et de la sélection, on devrait défendre une université qui porte un regard critique sur la société et qui prenne en charge les revendications des plus précaires, des personnes opprimées, et donc y compris des femmes, quoi. Donc voilà, comme on disait, il y a une manifestation et une journée de grève qui sont appelées pour le 8 mars. Et moi, je pense que les étudiants, les étudiantes du Mirail et les personnels pourraient faire un cortège en fait à cette manifestation, donc je propose de soumettre ça au vote, qu'on organise ensuite, si c'est accepté par l'Assemblée Générale, en comité de mobilisation, le cortège, voilà, ce serait un cortège pour moi qui devrait être mixte, et avec à sa tête, qui tiennent la banderole, des étudiantes et des femmes personnelles, voilà, qui tiennent la banderole, qui sont en tête de cortège. Et juste une petite info supplémentaire, le 8 mars, il y a aussi Frédéric Vidal, a priori, qui vient de rendre visite. Non, elle vient plus. Enfin, si elle avait été là, ça aurait été cool de lui rendre visite, mais bon, apparemment, c'est annulé. Donc c'est à Léo et à Denis se prépare. Salut. Donc moi, je voulais parler d'un truc qui est un fait majeur qui change dans la situation politique et dans le rapport de force plus général qu'on engage nous au Mirail contre le gouvernement. C'est ce qui se passe au niveau des cheminots. Donc vous avez dû voir un certain nombre d'infos passent dans les médias, ils ne font que en parler. Donc il y a une offensive médiatique importante pour expliquer que les cheminots sont des nantis, des privilégiés, etc. Pour justifier la réforme qui est en train de passer à leur rencontre. Bon, j'ai pas le temps de revenir sur à quel point c'est un tissu de mensonges et tout, mais vous pouvez trouver pas mal d'infos sur internet qui circulent sur les primes qu'inventent les médias, etc. Mais bon, à mon avis, ça c'est important pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la casse du statut des cheminots, c'est un truc qui va préfigurer derrière la casse de l'ensemble des travailleurs et l'aggravation des conditions de travail pour l'ensemble des salariés du pays. Et il y a un deuxième aspect qui est important dans la réforme, c'est la privatisation du rail. Privatisation qui va nous toucher nous directement, puisque c'est quoi les trois principales conséquences? La première conséquence, ça va être l'augmentation des tarifs sur tous les billets de train. La deuxième conséquence, ça va être l'amoindrissement de la sûreté ferroviaire. Et la troisième conséquence, ça va être la suppression de toutes les petites lignes qui ne sont pas rentables sur le territoire français. Y compris, il y a beaucoup d'étudiants et de personnel qui viennent à l'université en train. Donc c'est quelque chose qui va nous toucher directement. Ah ouais, ça. Et donc si ça nous touche directement, la sélection, c'est aussi un truc qui, elle et eux, les touche directement, puisqu'en fait c'est l'avenir de leurs gamins qui est en jeu. Est-ce qu'ils pourront s'inscrire à l'université sans devoir payer des frais exorbitants et sans devoir sortir d'un lycée d'élite? Ouais, par rapport à ça, moi je pense que c'est un truc qui change qualitativement dans le rapport de force, parce que comme on sait, nous, le mouvement étudiant, les personnels, etc., on ne bloque pas directement l'économie, on fait peur au gouvernement, on fait peur politiquement au gouvernement, mais ce qui les fait le plus flipper, c'est la jonction avec des secteurs comme le rail qui peuvent paralyser le pays. Et à mon avis, tout ça, ça doit nous donner pas mal nous encourager pour la suite, c'est un truc qui change beaucoup en notre faveur. Et ce qui se joue maintenant, c'est un mouvement d'ensemble pour la défense d'un service public de qualité avec les travailleurs du rail, mais aussi avec les hôpitaux, l'APHB qui se mobilise depuis un certain temps, etc. Et on voit que maintenant la convergence va pouvoir se réaliser dans la pratique. Ça, c'est un premier point qui me semble devrait nous enthousiasmer. Ensuite, y compris la grève qui va s'engager, je ne sais pas si vous avez vu dans les médias, mais il y en a beaucoup qui... Dans les médias, il y a beaucoup de médias qui parlent, qui disent que ça risque d'être la grève la plus dure dans le mouvement cheminot depuis 1995, qui était une grève qui avait réussi à paralyser l'ensemble du pays en agrégeant la fonction publique, etc., et à faire reculer le gouvernement sur la casse de la sécu et la casse du statut des cheminots. Et donc en termes de perspective, quelques propositions très concrètes. Déjà, il y a le 22 mars, qui va être la première grosse date de convergence à l'échelle du pays, de tous ces secteurs-là. Je finis juste sur les perspectives, je fais très très vite. Donc à mon avis, ce truc-là peut être un tremplin pour le déclenchement d'une mobilisation nationale. Et je pense qu'en amont, on doit chercher à tisser un maximum de liens transversaux entre notre mouvement et le leur. Et donc je pense que la commission externe doit chercher à... Bon, j'ai des propositions concrètes, mais je vais me proposer après. C'est à Adélie et Christophe qui se préparent. Balance un nom de mouvement à la minute qui va la tête. Balèze, hein. Bonjour, je viens lire un texte qu'un copain a écrit, parce qu'il ne peut pas être là. Bonjour, je m'appelle Issa, je suis étudiant en musicologie jazz. Étant hospitalisé depuis le 19 février et même mis au repos avant l'opération et après cette dernière, je n'ai d'autre choix que de ne pas vraiment pouvoir participer à la lutte comme je le voudrais. On peut donc dire que je suis un témoin extérieur de la lutte, tout comme le sont des milliers d'autres gens qui suivent cette dernière de loin, par le biais des médias officiels, comme par le biais de nos propres médias, c'est-à-dire des pages de lutte étudiante et syndicaliste. Je suis témoin donc du magnifique contournement de sujets des médias traditionnels, qui finalement sont très forts pour parler de tout, sauf de ce pour quoi nous luttons. Ceci a un effet direct sur les lecteurs, ils pensent que l'on fait grève parce que nous sommes des gauchos et que par définition, les gauchos n'aiment pas travailler. Alors comment faire comprendre aux gens que nous sommes sérieux, impliqués et que nous nous battons dans l'intérêt de tous en postant une vidéo de course de lenteur? J'utilise l'exemple de la vidéo de course de lenteur postée sur l'UET comme j'aurais pu en utiliser bien d'autres, ou plus généralement la manière dont nos propres pages Facebook décrédibilisent la lutte en ne pensant toucher qu'un public de collègues et bons amis alors qu'en vérité ils touchent toute la région. Vous devez donc tous connaître cette fameuse vidéo de la course de lenteur puisqu'au moment où j'écris, elle a généré 4768 commentaires et 166 400 vues. Par comparaison, la vidéo très intéressante du témoignage de l'élu convoqué par le jury d'IDEX qui souligne un bon nombre de problèmes réels, elle n'a été vue que 3500 fois. Et pour une audience Facebook, c'est très peu. Alors voici maintenant un florilège de réactions que l'on peut voir en dessous de la vidéo de la course de lenteur. Genre, c'était ta fac ça. MDR, miskin, lol. Bon voilà, voilà. On pourrait rigoler encore longtemps. Mais le problème que je tente de souligner est le suivant. En une vidéo, nous avons réussi à nous faire passer pour des guignols et nous avons entré dans la tête à une bonne partie des 166 000 personnes que nous avons atteint que la lutte actuelle n'est pas une lutte mais que c'est un jeu. Et on s'amuse, on rigole tout ça. En plus, apparemment, on est des branleurs, alors ça nous permet de rater des cours et de faire des lenteurs, des choses de lenteurs à la place, entre guillemets, MDR. Sauf que personnellement, je ne rigole pas beaucoup à l'idée de voir ma filière et bien d'autres disparaître, tout comme je ne rigole pas à l'idée de l'effondrement des conditions de vie à tous les niveaux de société. Tout le monde est concerné, même les chirurgiens et les ingénieurs les mieux payés sont au bord du suicide. Alors faisons comprendre aux gens que c'est dans un intérêt universel que nous luttons. Mais pour cela, il faudrait d'abord faire comprendre que nous luttons, effectivement. Et dans le potager que j'ai pu suivre, j'ai souvent entendu parler de l'importance de la communication et de l'information autour du projet IDEX, d'informer les gens pour qu'ils comprennent pourquoi on lutte. Il faut comprendre que la communication sur les réseaux sociaux est le seul moyen de nous faire entendre par un public qui est plus ou moins varié, et surtout en nombre extrêmement important. Donc voilà quelques points qu'il est impératif de respecter. Il est impératif d'arrêter de poster sur les réseaux sociaux des actions qui pourraient faire croire au public que nous ne sommes pas sérieux, ou d'utiliser le ton de la rigolade. Notre projet est... Je vais l'accrocher là. Ok, je finis ma phrase. En gros, il faut poster des messages clairs, précis, avec des images impactantes et des textes impactants pour que ça soit clair dans le fil d'actualité Facebook. Et le reste est intéressant, je m'arrange pour le public quelque part. Merci. J'ai deux petits mots. Bonjour, qu'en est-il des séminaires entre personnel et étudiants? Merci d'une réponse. D'ailleurs, on est quand même super nombreux. Les séminaires personnel et étudiants, vendredi 13h-15h, c'est ça? Grand amphi. Un autre petit mot, petit rappel, des cours ont eu lieu dans le grand amphi, notamment des cours de psychologie. Il est important de rappeler que cet amphi est réquisitionné pour la mobilisation. Bonjour à tous, avant les vacances, plusieurs faits importants ont eu lieu à l'université. Démission de vice-président, démission d'un membre du CA, questionnement autour de la mise sous tutelle de l'université par le rectorat. Ces points me semblent importants à évoquer. Quelqu'un a-t-il des infos à partager à ce sujet? Pourrait-on aussi savoir ce qui a été discuté en AG personnel? Merci. Bon, bonjour. Rapidement, je vais aborder trois points. Déjà, la première proposition de vote, il faut bien mettre précisément les mots. La proposition, ce serait une ouverture partielle pour permettre les missions de mise en paiement des payes. Exclusivement, le mise en paiement des payes, l'ouverture partielle pour assurer les missions. Alors, le deuxième point que je voulais aborder, on ne souhaite pas brûler les enseignants-chercheurs. Ce n'est pas le but du mouvement. Par contre, même si j'ai une grosse colère vis-à-vis des enseignants-chercheurs et des enseignants, actuellement dans les départements, dans les UFR, les cours ont eu lieu. Donc qui dit cours et les examens ont eu lieu, il y a des notes. Il y a des notes qui arrivent dans les départements, donc les enseignants, même s'ils sont de tout cœur avec nous dans le mouvement, ils apportent leurs notes, ils apportent leurs copies et demandent aux gestionnaires de scolarité, si elles sont là ou elles ne sont pas là, de saisir les notes. Donc c'est une pression psychologique vis-à-vis des gestionnaires de scolarité. Je parle des personnels administratifs qui sont en grève depuis 6 semaines et qui tiennent le haut du pavé dans cette lutte. Donc il y a une pression non seulement des enseignants. Et donc, moi je fais un appel demain à tous les gestionnaires de scolarité à venir demain en maison de scolarité pour parler de ce sujet-là, de cette patate chaude qui nous est donnée par les enseignants pour comment on gère la transmission des notes. Et comment on gère ça? Parce que du coup, ça impacte aussi les examens du deuxième semestre. Donc ça serait bien que toutes les gestionnaires de scolarité de toutes les UFR se rencontrent et on discute pour savoir comment on règle la gestion de ce cas-là. Et troisième point, alors ça a été évoqué dans le petit mot, ça 6 semaines de lutte, c'est vrai qu'avant les vacances, il y a une démission d'un membre du conseil d'administration. Et donc, la situation au conseil d'administration, on n'a plus la main. Les opposants au projet de fusion n'ont plus la main. On était à 17-17. Déjà, c'était très, très, très limite. On espérait même un 18-16. Mais on l'a plus. Donc, la démission du président qu'on demande ne va pas résoudre le problème. Parce que s'il y a démission du président, le président est réélu au sein du CA et on risque d'avoir quelqu'un de l'opposition. Enfin, d'opposition, c'est compliqué parce que le président étant passé dans l'opposition, enfin, quelqu'un qui est pour la fusion. Donc nous, ce qu'on demande, c'est de remettre tout sous le tapis, c'est-à-dire de provoquer des élections générales, c'est-à-dire les deux tiers des membres du CA qui démissionnent. Donc il faudrait faire ça rapidement pour que justement on enclenche des élections. Et quand je dis élections, c'est pas fin du mouvement. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des élections, il faut qu'il y ait des grèves, il faut qu'il y ait une mobilisation. Et ça donnerait une perspective justement au mouvement, parce que là actuellement on est un peu en suspension. Si on laisse actuellement le CA gouverner, le CA actuel, on va droit vers la fusion. Et je rappelle que pour les personnes administratives, c'est la catastrophe. C'est la mutualisation, les suppressions de postes et les sous-traitances. Donc on a tout à perdre de cette situation actuelle et le président s'en satisfait. Son seul objectif, lui, c'est la fusion, le retour de l'IDEX. Donc il faut aller très vite. Il faut demander la démission du CA, des deux tiers du CA, et après c'est à nous de faire campagne, c'est à nous de gagner, et c'est un espoir pour nous de nous mobiliser, de rentrer dans cette campagne. Dernier point, un tout petit dernier point, par rapport à Sigé au Bure, il y a une excellente brochure, pour ceux qui ne connaissent pas Bure, c'est ces réseaux sortir du nucléaire, je vous invite à la télécharger et en discuter, parce que ce problème-là, on parle de lutte ici, mais pour moi, Bure, c'est la lutte des luttes. C'est à Diane et Rémi se prépare. Bonjour. Ouais. Bon, alors en fait, c'est pour la commission externe. On va se réunir demain à 16h au prochain comité de mobilisation. Bon, je vous explique brièvement ce que c'est. En gros, la commission externe, c'est pour se lier avec les lycées qui sont concernés, les premiers concernés par la sélection étudiante, les autres facs de Toulouse et aussi de France, comme ça s'est passé dans les vacances, et aussi avec les autres secteurs en lutte, comme le CHU et la SNCF, pour rebondir sur ce que disait Léo. Et du coup, on appelle à ce qu'il y ait du monde pour que la lutte contre la sélection et toute la casse, je sais pas, du système public à Moscou, prenne de l'ampleur, quoi. Enfin. Alors, c'est à Rémi et Caroline Robieux, je ne sais pas, désolée, je suis désolée pour les campagnes, se prépare. Bonjour à toutes et à tous. Nous, on voulait faire un petit mot parce que dimanche dernier se tenaient en Italie, pas loin d'ici, les élections législatives qui ont fait passer quasiment pas la majorité, mais qui ont fait gagner en fait une coalition qui comprend un grand nombre de partis d'extrême droite, dont la Liga qui a obtenu 19% et qui est majoritaire dans cette coalition et qui se sent légitime aujourd'hui de gouverner l'Italie. On voulait aussi passer un mot par rapport aux manifestations antifascistes et antiracistes qui ont eu lieu tout dimanche dernier et pendant toute la campagne, qui ont subi d'énormes répressions par rapport de la police et du gouvernement italien. Et par rapport à tout ça, on voulait appeler un soutien inconditionnel de cet AG vers nos camarades autonomes de Naples et d'Italie, des centres sociaux autogérés qui luttent tous les jours contre la montée d'idéologies fascistes et néolibérales en Italie et partout en Europe. Alors merci de faire un énorme applaudissement pour elles et eux. Et je souhaite pouvoir m'exprimer ici car j'ai lu et entendu des propos sur la recherche et les chercheurs qui m'ont profondément surprise et atterrée. Je pense que c'est dû en grande partie à une méconnaissance de nos parcours et de nos activités. Tous les chercheurs ont été des étudiants, qui plus est à une époque où les financements étaient rarissimes. À titre personnel et sans vouloir faire pleurer dans les chaumières, j'ai financé mes études en travaillant dans des supermarchés et des magasins de vêtements. J'ai fait ma thèse à l'étranger sans financement, puis déposé plusieurs demandes de bourse pour des postdocs. J'ai été recrutée au CNRS en passant un concours de la fonction publique, comme des millions de fonctionnaires. Il n'y a là rien d'extraordinaire ni de mystérieux. Je me demande donc à quel moment je suis devenue une ennemie, un adversaire, et de qui? Pour en venir à mon quotidien d'archéologue au CNRS, il est fait à 30% de demandes de subventions, 30% de recherches et de communications, articles, colloques, interventions en milieu scolaire, participation à des expositions, 10% de terrain en Afrique, car c'est là où je fais ma recherche, et ces 10%, je les aimerais beaucoup plus importants, et 30% de cours et d'encadrement d'étudiants. Ces étudiants sont européens et africains. Grâce à des financements, des étudiants européens niveau master et thèse peuvent se rendre en Afrique sur des chantiers et mener des recherches pour leur master et leur doctorat. Et des étudiants africains peuvent venir se former en Europe ou poursuivre une discipline dans leur pays qui n'est pas enseignée. C'est comme ça que j'envisage mon métier. Un échange permanent fait d'écoute, de curiosité et d'ouverture. À propos d'ouverture, la porte de mon bureau qui se situe à l'MDR a toujours été ouverte à tout le monde. Et c'était déjà le cas lorsqu'il était dans les préfabriqués, aujourd'hui disparus. Aujourd'hui, suite à un pronunciamento, c'est ce qu'ont vécu les mouvements de gauche par rapport au franquisme, pour ceux qui veulent en savoir plus, vous avez décidé de claquer cette porte et de m'interdire de remplir mes fonctions de chercheur. Je pense qu'il y a des personnes qui me prennent plus de temps. Hein. Alors je vais terminer mon texte, s'il vous plaît. L'écoute. Cette décision unilatérale compromet la poursuite et l'émergence de projets qui mêlent toujours étroitement la vie et l'avenir de chercheurs titulaires et de chercheurs en devenir. Mais qui lisez-vous vraiment? Des chercheurs statutaires qui touchent leur salaire, qui peuvent travailler à la maison et qui auront toujours la possibilité de changer de laboratoire si cette situation se prolonge et dégrade l'image de leur laboratoire, ou des étudiants et des contractuels précaires qui en impérieux besoin. C'est fin. Alors en fait là j'allais parler de mes étudiants, et c'est là où... Le midi, etc. J'ai une information, il y a une réunion des gestionnaires de la scolarité des UFR demain, mercredi 7 mars. Des 5 UFR. Demain, mercredi 7 mars à 9h à la Maison des Solidarités, donc en MS 14. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, j'aurais juste voulu faire une petite précision parce que pour moi, le franquisme, ça reste bombarder un marché dans le Pays Basque et pas limiter les interventions à 3 minutes. Moi, ce n'était pas pour ça que j'étais volontaire, c'était sur la question des élections. Parce qu'en effet, Christophe l'a dit, ça n'a pas été dit au début de l'AG, donc c'est bien que la situation soit éclaircie de ce point de vue-là. Moi, j'ai un point de vue qui est un peu différent de celui de Christophe, parce que pour moi, les élections, il faut aussi voir qui c'est qui les demande depuis tout ce temps. Qui c'est qui les demande, c'est la CFDT et c'est depuis plus récemment la Croix. Pourquoi la Croix veut les élections? On sait ce que c'est les élections. Les élections, c'est aussi démobilisateur, complètement démobilisateur. Par ailleurs, si on s'engage dans les élections, vers quoi? Vers un CA, on n'arrête pas de répéter qu'il est complètement illégitime. Y compris si nous, on a des élus qui sont sûrement très bien au début, la Croix était contre la fusion, je le rappelle. Qu'est-ce qui l'a empêché de devenir pour? Donc il faut aussi voir que la Croix, il essaye en ce moment d'institutionnaliser notre mouvement. Le mouvement actuellement, c'est la grève. Et là, il essaye en fait de le canaliser dans les institutions. Ça ne va pas être notre stratégie. Notre stratégie, c'est la grève, c'est de grossir le mouvement encore et encore. Donc ça, c'est aussi une question qu'il faut se poser. Si jamais on arrivait à des élections, ce que je ne souhaite pour l'instant pas, mais que, parce que c'est des débats qu'il va falloir avoir, je ne pense pas que ça soit tranché aussi rapidement que Christophe, il faut aussi avoir le temps du débat par rapport à ça. Il faut aussi qu'on voit bien que ça ne soit pas une pression à la fin de la grève. Et si jamais on devait envoyer des listes là-bas, ce serait aussi des gens qui devraient porter des mandats, peut-être pas révocables, parce que je ne sais pas comment on pourrait le faire dans les... maintenant, vu le droit, tout ça, mais essayer de porter le plus possible cette idée de la révocabilité, parce que forcément, nos élus seront amenés à trahir leur mandat par la force des choses. Quand on est élu au CA aujourd'hui, au CA du Mirail, qu'est-ce qu'on fait? On administre la misère avec les miettes que nous donne le gouvernement. Donc on a un petit budget, qu'est-ce qu'on dit? Alors soit c'est les gâtes qui vont déguster, soit c'est les enseignants, soit c'est les élèves, et on est amené à administrer la misère que le gouvernement a créée dans l'enseignement supérieur et la recherche. Donc c'est pour ça que moi, pour l'instant, je pense qu'il ne faut pas légitimer les institutions de la Croix. Si pour l'instant, elles tournent en notre défaveur, ça fait déjà un moment qu'elles le font, il faut continuer à les bloquer. Comme on disait depuis le début, on bloque tous les conseils. Donc il y a un conseil de psycho, là, apparemment jeudi, disait Mine, il faudra qu'on y soit. Et la seule réponse à apporter à ça, pour l'instant, c'est de grossir encore le mouvement, continuer les tours d'amphi, continuer, on parlait de communication, de parler encore de la sélection, de la fusion, comme le faisait Léo aussi, des cheminots et de toutes les attaques contre les services publics, parce que ce n'est pas des attaques isolées qu'on prend en ce moment. Et c'est que comme ça qu'on arrivera à construire un mouvement de masse qui puisse court-circuiter pardon, le CA de Daniel Lacroix. Merci. C'est à Salomé et Robin se prépare. Je lis les mots. Nous voulons vous informer que depuis plus d'une semaine, le département d'anthropologie, a décidé collectivement de retenir les notes. La journée du mercredi 14 mars sera banalisée pour les étudiants en anthropologie afin de discuter, de débattre de la fusion, mais surtout la loi ORE et de la suite du mouvement. Bravo l'anthropo! Un autre mot, si je comprends bien, la démission du président ne va rien régler. Qu'en est-il du blocage MDR conditionné à la démission de la Croix? Un mois de blocus de la maison de la recherche, quel résultat? Seuls les étudiants sont impactés. Proposition de vote, pour ou contre que la décision de blocage MDR soit intégrée à la décision de blocage de la fac? Bonjour. Alors, si vous voulez, un petit peu de silence, j'ai du mal, c'est un peu compliqué, ça fait longtemps. Alors, je voulais réagir sur plusieurs choses. Juste, on parle de violence avec les blocages, mais ça vous fait rien qu'il y ait des gens qui sont en train d'essayer de monter une occupe pour essayer de solidariser tout le monde, d'accueillir des réfugiés, et ils vont se faire virer par des flics. Et ça, genre, ça, c'est pas violent. Enfin, je veux dire, moi, je suis sûre qu'on bloque tout le monde. Ça totalement illogique. Et tout ça pour dire que, ouais, ok, on vous empêche de travailler, vraiment désolé, mais nous aussi on s'empêche de travailler, nous aussi on veut faire des trucs comme vous, putain. Enfin, genre, juste, pardon. peut-être sympas, des nanas qui sont peut-être sympas. Vous travaillez avec des grosses entreprises. C'est pas comme si ça allait être génial. Je sais que maintenant c'est déjà difficile, mais on peut peut-être essayer de trouver une putain de solution ensemble au lieu de s'énerver et de dire oh là là, on nous bloque pour son moyen de travail, là, là. Nous aussi on se bloque. D'accord, je suis vraiment désolée, mais on se bloque. Mais pour réunir les conditions d'un débat entre nous, quels que soient les points de vue, il faut utiliser les termes politiques appropriés. Moi, hier, en parlant effectivement de nos opposants et des partisans du projet de fusion, j'ai parlé d'adversaires politiques. Parce que je pense qu'on défend deux projets de société et deux projets d'université et de la recherche qui sont différents. Mais par contre, que des gens viennent ici parler d'auto-da-fé, de pronunciamiento, ou de violence, je suis désolé, mais c'est totalement indécent pour les dizaines de milliers de familles républicaines espagnoles réprimées dans les années 30 et les décennies qui ont suivi, et qui aujourd'hui sont encore nos camarades réfugiés en France, pour ma famille à moi et des familles ici, dans cet amphithéâtre. C'est totalement inadmissible d'entendre ça ici. Maintenant que je me suis énervé, voilà, on va pouvoir passer à deux, trois éléments concrets. J'ai pas le temps d'expliquer aussi longuement que je l'ai fait hier en AGD personnel pourquoi je pense que la démission des deux tiers du CA n'est à l'heure actuelle pas forcément une bonne idée. Donc je proposerai qu'à l'issue de cette Assemblée Générale, on se laisse jusqu'à la prochaine AG pour y réfléchir et pour avoir un vrai débat sur la question à la prochaine Assemblée Générale. L'autre élément, j'ai entendu que la ministre ne venait pas finalement à Paul Sabatier jeudi. Je suis quand même par sécurité pour soumettre au vote le fait qu'on rejoigne les camarades de Paul Sabatier qui ont appelé hier à un rassemblement à 9h jeudi sur la fac de Paul Sab, parce qu'on ne sait jamais, et qu'y compris ça fait toujours du bien de voir un peu du pays. C'est un peu loin, mais voilà. Dernier élément, sur les questions démocratiques, je pense que... quelqu'un a parlé au début de l'AG de majorité silencieuse. Alors, le problème avec cette expression, c'est que pour moi, se taire et ne rien faire, ça n'a jamais été un point de vue, malheureusement. Donc, la majorité silencieuse, on invite cette majorité silencieuse-là à venir dans les assemblées générales, à s'exprimer de la manière dont ces personnes-là le souhaitent. Mais c'est un peu fort de se revendiquer d'une majorité silencieuse qui ne pourrait pas donner son avis, alors que soi-même, on représente une minorité qui défend le projet IDEX aujourd'hui. Donc il ne faut pas se cacher derrière des centaines de gens qui ne diraient rien, qui n'ont pas d'avis. Ce qu'on fait ici, certes, c'est quelques milliers de personnes. La consultation, c'était 5000 personnes qui ont voté. Mais les élections au Conseil centraux, est-ce qu'une majorité de personnes votent? Non. Les élections, à toutes les élections partielles de la 5e République, y compris le second tour des présidentielles, etc., est-ce qu'une grande majorité vote? Non. Dont la légitimité, elle se construit ici aussi. La deuxième sera beaucoup plus, plus importante. La première, c'est au niveau des élections du CA. Je suis absolument contre faire une campagne d'un conseil d'administration, parce que je pense qu'on est là dans cette grève contre la sélection, contre la fusion, mais contre aussi, à chaque fois j'ai l'impression de le répéter, mais contre un système global en fait. Et il faudrait peut-être remettre en cause cette instance en fait qui est le CA. On peut avoir, peu importe quel président, il y a une hiérarchie forcément, mais en fait c'est plus la Croix, il l'a fait, tout ce qu'il a fait, il l'a fait, mais parce que cette instance elle est constituée comme ça. Et il faudrait peut-être essayer d'y repenser justement, parce qu'en fait c'est contre ça je pense. Enfin, quoi, mais bref. La deuxième chose, c'est en fait, on est passé tout à l'heure en premier là, pour parler de l'occupe, enfin des occupations, des occupations. Et en fait, j'ai l'impression que le mot, il n'est pas du tout passé. Il y a Daniel Lacroix qui nous mène, enfin qui, en fait, on n'est même pas menacé. Là, à partir de, dans une heure en fait, les flics qui peuvent débarquer et nous démonter en fait. Et il y a deux occupations. Et le seul moyen qu'on a de réagir, en fait, c'est de bloquer. Et du coup, on a dit qu'on allait faire une réunion après la déambulation. Et enfin voilà, je sais pas si ça a été traité, mais là, ça, enfin, je sais pas, c'est vraiment urgent, en fait. Voilà. Pour les sports. Paris 3 a réussi à arracher un recul important sur la fusion, il y échappe même. Alors mettons-nous-y un bon coup et on les aura. Si la démission de Daniel Lacroix n'a plus d'intérêt, 1. Proposition de vote, blocage de la NDR et de la présidence jusqu'à ce que Daniel Lacroix retire l'UT2J du projet UTIDEX. Ne demandons plus la démission mais le retrait du projet. 2. Le mouvement doit reprendre du poil de la bête. Proposition, blocage de l'UT2J le 8 mars pour la Journée internationale du droit de la femme. Préalablement à mon intervention, je souhaiterais juste rappeler les propositions de vote. Donc, les doctorants souhaitent soumettre au vote le déblocage de la MDR. Déjà, je ne suis pas sûr que tous les doctorants se reconnaissent dans cette proposition de vote, mais je propose de la modifier dans le temps. Très simplement, pour reprendre l'intervention de mon camarade Robin qui a été faite tout à l'heure, par rapport à la question de la violence et de la légitimité des assemblées générales, j'aimerais juste dire bienvenue, bienvenue dans un monde violent, hein, bienvenue dans un monde qui pisse le sang, bienvenue dans un pays où, partout où il y a des luttes, il y a une réponse policière, il y a une réponse militaire forte, comme on en parlait de tout à l'heure à Pure, où pour 300 manifestants, un millier de militaires sont déployés. Hein, avec des fusils, des armes à la main. Ici, est-ce que vous voyez la moindre torche? Est-ce que vous voyez la moindre guillotine? Est-ce que vous voyez le moindre fusil? Non, je ne pense pas. Donc, je vais vous dire très simplement, nous ne sommes pas pacifistes, nous sommes pacifiques. Nous ne nous battons pas physiquement et nous n'agressons personne tant que nous ne sommes pas nous-mêmes agressés. Et j'aimerais juste rappeler que les gens qui aujourd'hui peuvent se permettre d'être des partisans de la non-violence sont aussi des gens qui, dans leur vie quotidienne, n'ont pas forcément eu à subir les oppressions que cette société véhicule. Pour revenir sur la question de la démocratie et de la légitimité de ces assemblées générales, bien sûr que cette assemblée générale n'est pas démocratique. Elle expérimente la démocratie. Contrairement au conseil d'administration, où je suis moi-même élu, sur la base de 400 pauvres voix. 400 pauvres voix, c'est moins que de personnes en âgées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous m'élisiez dans cette assemblée, je serais plus légitime que pour les élections des conseils centraux. C'est à Kevin et Julien se préparent. Du coup, moi, je suis venu en fait pour contester la stratégie même de massification. D'ailleurs, c'est un miracle qu'on n'ait pas entendu aujourd'hui. Et aussi le rejet de toute violence, parce que je trouve que la violence, en fait, elle est en face avec la sélection, la répression et plus globalement la précarisation pour tout le monde. Et aujourd'hui, on a bien vu que le dialogue, il fonctionnait pas. Et je trouve que ce serait vraiment un échec de centrer notre mobilisation sur des campagnes électorales, alors que Lacroix, alors qu'il se présentait comme quelqu'un d'antifusion, nous a trahis et surtout persister dans des campagnes électorales, c'est ne pas remettre en cause la structure même du pouvoir. Ensuite, je me demandais en fait massifier pour quoi faire, parce que là on est 1000, on pourrait être 2000 à continuer en fait à s'applaudir, à s'autocongratuler et en fait à rien prendre. produire parce qu'il faut se regarder en face. Là, on fait juste que s'applaudir. Ça mène à rien. Et être dans la rue et déambuler comme des guignols de Jean Jaurès à Saint-Anne, je vois pas l'intérêt non plus. Je pense qu'on fait peur à personne et juste qu'on permet un détour de 10 minutes aux automobilistes. Ça sert strictement à rien. Et c'est pour ça que ce serait peut-être une bonne chose d'investir. Enfin, de quitter le monde un peu virtuel et de rentrer dans la lutte physique. Ouais. Par exemple, il y a samedi matin, au début des vacances, là on est 1000 apparemment à être plus ou moins en lutte. Bah, en fait, pour le péage gratuit, on était 30. Et l'AG, donc, pour moi, c'est pas une finalité, mais c'est juste un moyen. Donc pour tous ceux qui s'ennuient, qui en ont marre d'être des militants virtuels, ceux qui ont les crocs, bah, la prochaine fois, venez au péage gratuit et surtout après l'Assemblée Générale, on se retrouve tous dehors et on organise le blocage parce qu'aujourd'hui, c'est le seul moyen de faire plier la femme. Ça va pas être en discutant, ça va être en agissant. Ouais, ça marche.